Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, tout ce qui était un gain pour moi est devenu de la boue. Ma vie a changé. J'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie a changé. Des ténèbres à la lumière, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Dès lors que je l'ai reçu, je suis devenu une nouvelle créature. Ma vie a changé. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, tout ce qui est un gain pour moi est devenu de la boue. Ma vie a changé. J'ai été réconcilié avec Dieu par l'œuvre de la croix en son Fils Jésus-Christ. Ma vie a changé. Oh, de la mort à la vie, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Ma vie a changé, bien aimé. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Sa vie changera de la mort à la vie. Ma vie a changé. Ma vie a changé, bien aimé. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ma vie a changé. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ah, eh, eh. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Ma vie a changé. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donne ton cœur à Jésus. Ma vie a changé. Ma vie a changé.